Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 12 janvier. Les centres de ski ont fait vraiment chou grand pendant la période des fêtes. On a fait le plein d'achalandage. C'est du moins au centre de ski de Toboski de Saint-Félicien où on a vraiment enregistré une hausse de monde. Explique Marie-Christine Allard, centre de ski de Toboski. Oui, exactement. Au Toboski, on a une super belle période des fêtes. On a énormément de gens entre Noël, Jour de l'An qui se sont déplacés, les familles, les membres, les non-membres aussi, beaucoup de familles de l'extérieur. Christine Allard explique que c'est sensiblement le même nombre de cartes de membres que l'an passé. Mais je dirais que, dans le fond, pour les... C'est sûr qu'il y a une certaine augmentation par rapport à l'année passée. On peut l'utiliser là, en deux catégories. Il y a eu une légère... Dans le fond, c'est pas mal le même montant de cartes de saison qu'on avait l'année passée. On a le même nombre de membres, mais on a une augmentation là, au niveau des jeunes familles là, qui viennent essayer le ski. Donc, dans les fêtes, ça s'est souvent vu avec les cours de ski, beaucoup de locations également. Donc, les jeunes familles commencent à se remettre au ski alpin. Maintenant, ici au centre de ski de Domeski de Dolboum-Sesny, ça a été vraiment également... Il y a eu beaucoup de monde durant la période des fêtes. Explique Dan Saint-Gilles, vos coordonnateurs du centre de ski. Dans le temps des fêtes, on a eu beaucoup, beaucoup de monde. On était quasiment à pleine capacité dans le chalet. Je te dirais qu'aussi les parkings étaient pleins, ça débordait. On a eu une grosse achalandage qui est autant pour la glisse, qui est le ski alpin, le ski de fond, puis autant que dans les tubes, on a eu beaucoup de monde aussi exactement, puis on a eu des clients de Fat Bike aussi qui sont venus en grand nombre. On a également parlé avec Gilles Bouchard, l'instructeur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda, qui est natif de Normandin. On sait que les Huskies ont eu des pourparlers avec leurs grands ennemis, les Foreurs de Val-d'Or, pour avoir Julien Gauthier. Et dans le fin fond de lui, Gilles Bouchard croit que les Foreurs n'ont pas voulu vraiment trancher avec les Huskies. À l'époque. Ben, c'est une situation qui n'est pas évidente, là. On a eu des pourparlers puis tout, et je pense que... Au début, on pensait que ça pouvait être possible, mais finalement, je pense que dans le fin fond d'eux-mêmes, Val-d'Or, il n'y avait pas d'intérêt à vouloir envoyer des rois chez nous. Fait qu'à un moment donné, on s'en est aperçu, puis c'est sûr, écoute, ça a été une période que, tu sais, il y avait beaucoup d'acheteurs, puis le marché était assez élevé, fait que on a essayé d'avoir du bois. C'était comme réglé, puis finalement, ça servirait de bord pour X raisons. Fait que, sauf que t'sais, ça a été décevant une couple de fois, mais pas plus que ça. T'sais, on suit le destin, puis on... T'sais, l'objectif, c'était d'améliorer l'équipe, de rentrer du leadership, puis de rentrer des gars qui avaient une certaine grit. Puis c'est ça qu'on a fait en amenant... Gilles Bouchard parle des récentes transactions chez les Huskies de Rouyn-Noranda. C'est Tremblay, c'est de la profondeur au niveau de la gardien de but. C'est un gars qui a gardé une centaine de matchs dans la ligue, fait que ça va être parfait comme ça. On a Wederer qui, lui, prend le spot de 20 ans puis 2 euros, mais en même temps, écoute, c'est un joueur qui est under le radar un petit peu, là. C'est un gars qui, je pense pas que le monde, il sache comment il peut être bon, ce gars-là. Fait que, c'est un gars qui est fiable, c'est un tout-way, il est capable de jouer bien, jouer offensivement, défensivement. Il a joué 2 matchs avec nous autres jusqu'à date, là. Il a été blessé une cheville. Mais il a quand même 4 buts, une passe en 2 games. Fait que, tu sais, c'est bien positif. Puis après ça, on t'a lâché Cormier. C'est un gars qui a du caractère. C'est un gars qui a du leadership. C'est un gars qui a pas peur de personne. C'est un gars qui s'implique physiquement. Écoute, c'est de la grit. C'est de la pure grit. Puis après ça, on est allé chercher un défenseur, là, Taylor Ford. C'était le capitaine à Halifax, 19 ans. Écoute, c'est un gars qui compete, qui travaille fort, qui bouge bien sa patinoire, qui comprend bien la game. Fait que, c'est pas un joueur offensif, c'est plus un stéon, mais c'est un guerrier, puis c'est ça qu'on a besoin de gagner les séries. OK. Et dans un dernier temps, Gilles Bouchard explique qu'il y a plusieurs équipes qui pourraient aspirer aux honneurs cette année dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il y a plus d'équipes qui sont compétitives, qui ont plus de chances de gagner la coupe à la fin, je vous dirais. Là, l'année passée, tout le monde mettait premier. Après ça, bon, c'était peut-être eux autres ou eux autres. Mais cette année, je pense qu'il y a plusieurs équipes qui peuvent peut-être là avoir la chance de gagner ce fameux trophée-là. Là. Fait que, écoute, c'est une belle parité dans la ligue. Là. Si on regarde le classement, là, je pense qu'il n'y a pas grand différence de points entre la première position et le 10e au classement. Genre, là. Fait que juste te montrer que. Et en terminant, Charles Quentin et également ses acolytes qui sont du Saguenay. On parle évidemment de Maître Dominique Bouchard. Et Julien Boulian et Richard Morin ont réussi à atteindre le mont Kilimanjaro, un mont qui est à 5895 mètres d'altitude. On sait que les profits ou encore ils ont tenté cette expérience pour ramasser des fonds pour le sommet de la jeunesse en 2017. Donc, on dit qu'il y a 20 000 personnes qui tentent de monter le mont Kilimanjaro à chaque année et seulement 33 % d'eux réussissent. Donc, apparemment, nos quatre aventuriers n'ont pas eu vraiment d'amis, de pépins durant cette aventure. Au cours des prochains jours, ils vont redescendre le mont Kilimanjaro et prendre quelques jours de vacances en Tanzanie. Je vous invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. On a parlé avec Jennifer Pilon, qui est la mère d'une jeune fille de 11 ans qui est atteinte d'un syndrome très rare et qui a un rêve, c'est de rencontrer Carey Price. On lui a parlé hier. Et vous pouvez également écouter l'entrevue que j'ai réalisée avec Gilles Bouchard, l'instructeur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda, qui est natif de Normandin. Sport local et régional, à DanRadioSport.com, son équipe.